Bismillahirrahmanirrahim. On te lâche sur les mots de Dengar. Ma ma'na al-diyafa. L'invitation. Ou al-da'wa. Plutôt l'accueil dans une invitation de diyafa et puis le da'wa et l'invitation. Al-hadir. Celui qui est présent. Man al-mad'u. Celui qui est invité. Waqour. Respectueux. Dhamma ya dhammo. Groupe. Groupé. Regroupé ou groupe. Regroupé, non. Akhada ya khudu, ma'na ya. Akhada ya fa'il hada. Ah ouais, c'était pas ça. Akhada ya fa'il hada. J'ai oublié cette expression, ça. Merci. Ishara'a bada'a. C'est mieux à faire. Comment on dit demander la permission? Ista'adana. Namanan Siraf. S'en aller. Fine. Asila. Hail Kabila Ibrahim ou Da'wat Hamadin. Nam. Kifas Takbala Hamadun Ibrahim. Tayyiban. Stikbalan Tayyiban. Man alladhi hadara istikbal Ibrahim min bayt Hamad. Khalu Hamadin wa ammahu wa Ibrahim. Wa Ibrahim. Ah, on commence. خالو حمد خالو حمد وعمه واش son oncle quoi عمه عم وعم ها واش بعمو وعم كنت دي خالو ولا كنت دي عمه شكون هو جاي من سيخ جاي سير سي عمه عمه شكون هو جاي سير ايوا عمه مرفوع عمه نعم فابراهيم وجده quand j'ai mis جده le ها il vient جده حمدين quoi t'as dit جده quoi t'as dit pas جده جده وجده وبعض ابناء عمه وبعض الاقارب الجيران الاقارب والجيران والجيران نعم اين جلس الجميع في غرفتي في غرفتي الاستقبال من الشيخ والوقور الذي قدمه حمد لابراهيم جد حمد جد سادسا متى استاذن الحاضرون للانصراف بعد انقضى الجميع وقتا نعم الجميع وقتا طيبا كيف وضع حمد المدعوين؟ دعاهم حمد وشكرهم شكر وشكر نعم شكرهم على أنهم قبله قبلوا قبل دعوته قبلوا دعوته أخونا بدي كوا؟ تسير يا بيجي ثامن والتاسع أيوة ثامن من فاطمة زينب على بلد أحمد قبلت فاطمة دعوة زينب ولما حضرت فاطمة أسرته وأسرتها إلى بيت زينب استقبلتهم نعم استقبلتهم فاطمة زينب وأهلها استقبالا حسنا ورحبت بهم ترحيبا طيبا نعم استقبل سالم أحمد استقبالا حسنا كيف استقبل سالم أحمد نعم كان معه بعض الأقارب والجيران من كان مع سالم عرف سالم أحمد بجده أجل أمتي me dis. L'iman arrafa salimun ahmada. Où est-ce que tu as dans la jawab l'am? Justement, je savais pas, je voulais mettre men, men arrafa, mais après ça n'avait plus le même sens. Où est-ce qu'il y a harfa jar là? Chauffe. Arrafa salimun ahmada bi jaddihi. Biman. Biman. D'accord. Biman arrafa salimun ahmada. انصرف الضيوف بعد ان قضوا وقتا طيبا في الحديث متى انصرف الضيوف نعم طيب ندخل الان في الدرس 26 من سجن الصف على مائدة الطعام مائدة سي تابل غارني دو نويتور الطعام معروف كلمات جديدة تكريم تكريم سي لو فات دو نوري صفا يصفو سي رانجي مثلا رانجا الكراسي سي الجنب كرسي سيج شيز وزع يوزع سي ديستريبيوي حافلة هنا معنى بنيئة يعني رمبلي الفاصولية معروف سا سي لي هاريكو البامية كون ابل لي كومبو لي كومبو Le bamia, c'est un légume, un peu gluant là. Non, c'est un légume. El moulouchia, ça, j'ai pas trouvé là en français, c'est quoi? C'est ça s'appelle girgir ici. Un peu, c'est comme une espèce de laitue, mais plus petite. Ah oui, mais je vois ce que c'est. En français, je sais pas si on avait ça. Peut-être la mâche, ça ressemble à la mâche. Ou... J'ai pas trouvé en tout cas l'équivalent français, j'ai même regardé, j'ai pas trouvé. El khas, ça c'est la laitue. الجزر كاروت الموز بنان البرتقال ça c'est les oranges c'est même la couleur برتقال c'est la couleur orange le fruit et la couleur c'est qu'en français c'est pareil العنب ça c'est le raisin التفاح ça c'est la pomme اليوسفي ça c'est les clémentines ou les Quoi l'autre nom? Mandarine. Mandarine. Clémentine ou mandarine, la petite orange. El batir, ça c'est la pastèque. Ça peut être le melon aussi. Si le pastèque, ils vont dire hab hab. Mais batir, c'est les deux. En fassra. El nashawiyat, ça c'est les féculents. El salata, ça c'est la salade. El salata, la salade. Je pense pas que ce soit un mot d'origine arabe. Al-Hiwa. Le texte traduisant. Filium et Tali, Adda Hamadun Walima Kabira Takriman Ibrahim. Donc le jour d'après, Hamed a préparé une invitation, un repas, un grand repas pour Ounou Ibrahim. À la base, Walima, c'est ça. Yutlak ala Dawad fi Al-Urs Zawaj. Charan, c'est ça le walima. Maintenant, les gens, ils l'ont. Tawassaru fidalik, tout ce qui est invitation à un repas, ils appellent ça walima. Mais à la base, walima, c'est pour le repas de mariage, le repas de noces. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, li Abdurrahman ibn Auf, lim walo bisha. Fait une walima, ne serait-ce qu'avec une brebis ou un mouton. Min nefir walama, yalimu. Fashtama'a al-akarib wal-asdiqa. Donc les proches et les amis se sont réunis dans la salle à manger. Wudi'at maidatun kabiratun fi wasat ghurfat at-ta'am. Qu'une grande table garnie a été posée au milieu de la salle à manger. Wa suffat hawlaha al-karasi. Et les sièges ont été rangés autour d'elle. Wa wudi'at fawqaha asnafun mukhtalifatun min at-ta'am. Il était posé dessus différentes catégories de nourriture. Wa wuzi'at al-asnaf bi tariqat yasahulu tanawuluha. Et que les différentes variétés de nourriture ont été posées de sorte à ce que à pouvoir les atteindre facilement. À portée de main. Tu puisses prendre facilement là où ça. Kanat al-ma'ida hafilatan bi anwa' at-ta'am. كاللحم الغنم والسمك والدجاج وانواع من المشويات من النشويات كالرز والخضروات والفاصوليا الخضراء والباميه والملوخيه. Donc cette table garnie était remplie de différentes formes de nourriture comme de la viande de mouton ou de poisson ou de poulet ou des genres de féculents comme le riz ou alors des légumes comme la fasolia verte, ils veulent dire par là les petits pois. Ça veut dire quoi, cela ? Catégorie, un noir. Fasolia al-hadra, c'est les petits pois. Ici, ils appellent ça le zalia ou autre. Si, c'est ça. Zalia. Ouais, c'est ça. Bamia, c'est des bonbons. Et moulouchia, on a dit, c'est forme de lait, une forme de... Pas forcément de la laitue, un peu le girgil comme une plante verte. Ah non, mazalia, je crois que c'est les haricots rouges. Là, c'est fasolia hamra. Mazalia, c'est les haricots verts, c'est les petits pois. Donc, il y a une salata, mine les khiyar, ou le khas, ou le jazar, ou le tomatim, et que la salade était composée de concombres. D'ailleurs, ils n'ont pas mis dans le khiyar, c'est le concombre. Ou le khas, la laitue, et de carottes et de tomates. Thumma, qudimat alayha anwa'un min al-fakihati. كالبرتقال والتفاح والموز والعنب واليوسف والبطيخ. Ensuite, il a été posé dessus également différentes formes de fruits comme l'orange, comme la pomme, comme la banane, le raisin, les clémentines, les mandarines et la pastèque. فأكل الجميع منها وحمد الله ثم شرب بعضهم الشاي وشرب بعضهم القهوة. Ensuite, tous en ont mangé et ils ont loué Allah. Et ils ont bu par la suite, certains d'entre eux ont bu du thé, d'autres ont bu du café. Shakara Ibrahim Hamadan ala husn diafatihi wa da'alahu bil khayr thumma sta'zana wa ansaraf wa sta'zana al jami'u wa ansarafu. Ensuite, Ibrahim a remercié Hamad pour son bon accueil, sa bonne invitation. Et il a invoqué pour lui dans le bien. Ensuite, il a demandé la permission, puis s'en est allé. Et les autres, tous, ont demandé la permission et sont partis. Non. مفهوم هذا؟ طيب الأسئلة ماذا من دعية إلى الطعام كي تنبتي ماذا أقام حمد في اليوم التالي كيف حمد أفئ لجور دابخ من دعية إلى الطعام كي تنبتي لنوريتيون ومانجي طبعا أين وضعت المائدة أو تبوزي لتام كيف وضعت الأصناف كما أتي ديستريبوية أو ديسباتشي les nourritures. Les mazawuz yad bihadi taliqa. Pourquoi ont-elles été disposées de cette façon? Disposées, c'est mieux, voilà. Wuziat là dans le texte, c'est plus disposé là, que distribué. Othkur ba'd anwa al-lahm wa nashawiyyat wa al-khadrawat wa salatat al-lati kuddimat. Cite certains genres de viande et de féculents et de légumes et de salades qui ont été présentés. كيف قضى إبراهيم اليومين مع حمد؟ كيف قضى إبراهيم passé les deux jours avec حمد؟ طيب. ثم الثاني remplir les trous. عندنا حافلا qui veut dire rempli. أصنافا des catégories des variétés. صفا un rang. وزع là c'est plutôt disposé. تكريم le fait d'honorer. Al-Mulukhiya, c'est une forme de. C'est une plante qui se mange. Ou Al-Yusufi, mandarine ou clémentine. Taïeb. Al-Ula, waqafa tulabu m'wahidan. Que les tulabs sont mis un seul. Sofan. Non, un seul rang. Kana yoman bilziyarat lam najit fihi waqtan niraha. C'était une journée par les visites, nous n'avons pas trouvé de temps pour se reposer. حافلة نعم ضمت الوليمة مختلفة من الطعام que l'invitation ou le repas regroupé différent de la nourriture de nourriture أصناف نعم أصناف رابعا حسان لحم أضحيته على جيرانه والمساكين que حسان la viande de son sacrifice sur ses voisins et sur les pauvres. Mazza. Donc là, c'est bien distribué à ce moment-là. C'est plus comme un texte. Non. Khamisan, nourun min anwa al-khadarawat. Un genre parmi les genres de légumes. Al-Yusufi. Là, Yusufi, c'est un légume. Là, c'est un fruit. C'est quoi qu'il y a là? Al-Moulouhiya. Al-Moulouhiya, non. Maloun, quelle est la couleur de Al-Yusufi. Non. Sabian, al-Zaif, wajib. Takri. Non, on nourrit le. L'invité est obligatoire. Arabia, tu dois mettre les trous, on fait les trous de toi-même. Alors je fais une bête. Awalan, al-usra, walimatan tayyiba, la famille, un bon repas. Thanian, wajadna al-ma'ida, bi asnaf, min al-ta'am. Nous avons trouvé la table de différentes formes de nourriture. ثالثا كان كل شيء منظما فالاصناف قد tout était bien organisé et les formes فالاصناف قد variété était déjà en train de mettre la suite. رابعا وبعد ان سموا الله بداوا et après qu'ils aient nommé Allah ils ont commencé. خامسا شكر ابراهيم حمدا على وَوَدَّعَهُ Ibrahim a remercié Hamed pour son nom et lui a fait ses adieux, on va dire au revoir. Alors, tout de mettre la suite. Sadisan, أَكَلْنَا سَلَطَةً مُكَوَّنَةً مِنْ Nous avons mangé une salade composée de الْعِنَبُ وَالتُفَّاحُ Les raisins et la pomme sont كل استعمل كل كلمات على السادس بس الخامس وخال السادس جمعت لمو لا on va faire le khamis ensemble. C'est mettre les questions-réponses. Soufat al-Karasi hawl al-Ma'ida. Les sièges ont été rangés autour de la table. Kef al-Sawal. Aina. Je peux dire comment c'est par Aina. Aina. Aina al-Karasi. Aina soufat. Soufat al-Karasi. Tu peux dire Aina ou Kayfa. وزعت الأصناف بطريقة يسهل تناولها. كيف وزعت الأصناف؟ نعم. دعا أحمد جيرانه وقاربه وأصدقائه. que Ahmed a invité ses voisins, ses proches et ses amis. من دعا أحمد؟ نعم. كانت المائدة حافلة بأنواع الطعام. que la table était remplie de différentes formes de nourriture ou de formes de différentes variétés de nourriture. كيف كانت المائدة؟ ماذا كان على المائدة؟ أنا قلت كيف كانت المائدة؟ نعم شكر إبراهيم حمدنا على حسن ضيافته. من شكر إبراهيم؟ أو لا أنتو أقول لك أنت حرف الجر souvent dans la question revient dans la question. على ماذا؟ نعم. شكر إبراهيم. نعم. عدت الأسرة الوليمة في اليوم التالي. que la famille a préparé le repas pour le jour d'après. متى عدت الأسرة الوليمة؟ أو لي لماذا؟ c'est dit ça؟ pourquoi a préparé la famille a préparé la وليمة؟ لا. موت متى؟ متى نعم متى بيستي بو متى أعدت الأسرة الوليمة أيوة أقول في اليوم التالي اجتمع الجميع في غرفة الجلوس tous sont réunis dans la pièce anniversaire à manger salle d'accueil مجلس أين اجتمع الجميع؟ نعم تناول الضيوف بعض النشويات. Que les invités ont pris certains féculents. Demain, on va donner le famin qui a besoin de tafkir. C'est-à-dire là, tu réponds de toi-même. Yas'aluka asilat tujib bi nafsik. كيف تستقبل ضيوفك؟ Comment tu reçois tes invités؟ ماذا تعد لهم الطعام؟ Qu'est-ce que tu prépares comme nourriture؟ من يعد لهم الطعام؟ Qui les prépare la nourriture؟ كيف تجعلهم يفرحون؟ Comment tu fais en sorte qu'ils soient contents؟ إذا دعيت إلى وليمة هل تستجيب؟ Tu es invité à une walima, est-ce que tu réponds؟ متى تذهب؟ Quand est-ce que tu y vas؟ لماذا تذهب قبل الموعد لوقت مناسب؟ Pourquoi est-ce que tu vas avant le rendez-vous d'un temps convenable? Pourquoi? Elle te fait d'ilou et elle te fait d'ilou en tajissou. Où est-ce que tu préfères t'asseoir? Il dit Wajetta ta'amen, la yodjibouka, maza ta'fal. C'est lui qui trouve une nourriture qui ne te plaît pas, qu'est-ce que tu fais? Maza ta'falou, indama turidou al-insiraf. Qu'est-ce que tu fais lorsque tu veux partir? Mal walimatu lati yajibu ala al-muslim an yahduraha. Quelle est la walima qui est obligatoire aux musulmans d'assister, de se rendre. Bess. Voilà. Pour demain, tu fais ça. Amam. Al-Baqi notre. Faila, on a. Walhamdulillah.